Section 0 de Vie de Rancé de François-René de Chateaubriand. Lue par Christiane Johan. À la mémoire de l'abbé Séguin, prêtre de Saint-Sulpice, né à Carpentras le 8 août 1748, mort à Paris à 95 ans le 19 avril 1843. Son très humble et très obéissant serviteur, Chateaubriand. Avertissement. Je n'ai fait que deux dédicaces dans ma vie, l'une à Napoléon, l'autre à l'abbé Séguin. J'admire autant le prêtre obscur qui donnait sa bénédiction aux victimes qui mouraient à l'échafaud que l'homme qui gagnait des victoires. Lorsque j'allais voir, il y a plus de 20 ans, mademoiselle d'Acosta, cousine de madame de Chateaubriand, alors au nombre de 4, et qui ne sont plus que 2, je rencontrai, rue du Petit Bourbon, un prêtre vêtu d'une soutane relevée dans ses poches. Une calotte noire à l'italienne lui couvrait la tête. Il s'appuyait sur une canne et allait, en marmottant son bréviaire, confesser dans le faubourg Saint-Honoré, madame de Bonboissier, fille de monsieur de Malesherbes. Je le retrouvai plusieurs fois aux environs de Saint-Sulpice. Il avait peine à se défendre d'une troupe de mendiantes qui portaient dans leurs bras des enfants empruntés. Je ne tardai pas à connaître plus intimement cette proie des pauvres, et je le visitai dans sa maison, rue Servandoni, numéro 16. J'entrai dans une petite cour mal pavée, le concierge allemand ne se dérangeait pas pour moi, l'escalier s'ouvrait à gauche, au fond de la cour, les marches en étaient rompues. Je montai au second étage, je frappai. Une vieille bonne vêtue de noir venait m'ouvrir. Elle m'introduisait dans une antichambre sans meubles où il n'y avait qu'un chat jaune qui dormait sur une chaise. De là, je pénétrai dans un cabinet orné d'un grand crucifix de bois noir. L'abbé Séguin, assis devant le feu et séparé de moi par un paravent, me reconnaissait à la voix. Ne pouvant se lever, il me donnait sa bénédiction et me demandait des nouvelles de ma femme. Il me racontait que sa mère lui disait souvent, dans le langage figuré de son pays, « Rappelez-vous que la robe des prêtres ne doit jamais être brodée d'avarice. » La sienne était brodée de pauvreté. Il avait eu 3 frères, prêtres comme lui, et tous 4 avaient dit la messe, ensemble, dans l'église paroissiale de Sainte-Maure. Ils allèrent aussi se prosterner à Carpentras sur le tombeau de leur mère. L'abbé Séguin refusa de prêter le serment. Poursuivi pendant la Révolution, il traversa un jour en courant le jardin du Luxembourg et se sauva chez M. de Jussieu, rue Saint-Dominique d'Enfer. En quittant le Luxembourg pour la dernière fois en 1830, je passai de même à travers le jardin solitaire avec mon ami, M. Hyde de Neuville. De tristes échos se réveillent dans les cœurs qui ont retenu le bruit des révolutions. L'abbé Séguin rassemblait, dans des lieux cachés, les chrétiens persécutés. L'abbé Antoine, son frère, fut arrêté, mis au Carme et massacré le 2 septembre. Quand cette nouvelle parvint à Jean-Marie, il entonna le Te Deum. Il allait, déguisé, de faubourg en faubourg, administrer des secours aux fidèles. Il était souvent accompagné de femmes pieuses et dévouées. Madame Choc se faisait passer pour sa fille, elle faisait le guet et était chargée d'avertir le confesseur. Comme il était grand et fort, on l'enrôla dans la garde nationale. Dès le lendemain de cet enrôlement, il fut envoyé avec 4 hommes visiter une maison rue Cassette. Le ciel lui apprit le rôle qu'il avait à jouer. Il demande avec fracas que les appartements lui soient ouverts. La fouille est faite. L'abbé Séguin aperçut un tableau placé contre un mur et qui cachait ce qu'il ne voulait pas trouver. Il en approche, soulève avec sa baïonnette un coin de ce tableau et s'aperçoit qu'il bouche une porte. Aussitôt, changeant de ton, il reproche à ses camarades leur inactivité et leur donne l'ordre d'aller visiter la chambre en face du cabinet que dérobait le tableau. Pendant que la religion inspirait ainsi l'héroïsme à des femmes et à des prêtres, l'héroïsme était sur le champ de bataille, avec nos armées. Jamais les Français ne furent si courageux et si infortunés. Dans la suite, l'abbé Séguin, ayant vu quel parti on pouvait tirer de la garde nationale, était toujours prêt à s'y présenter. Le mensonge était sublime, mais il n'en offensait pas moins l'abbé Séguin, parce qu'il était mensonge. Au milieu de ces violents sacrifices, il tombait dans un silence consterné qui épouvantait ses amis. Il fut délivré de ses tourments par suite du changement des choses humaines. On passa du crime à la gloire, de la République à l'Empire. C'est pour obéir aux ordres du directeur de ma vie que j'ai écrit l'histoire de l'abbé de Rancé. L'abbé Séguin me parlait souvent de ce travail, et j'y avais une répugnance naturelle. J'étudiais néanmoins, je lus, et c'est le résultat de ces lectures qui composent aujourd'hui la vie de Rancé. Voilà tout ce que j'avais à dire. Mon premier ouvrage a été fait à Londres en 1797, mon dernier à Paris en 1844. Entre ces deux dates, il n'y a pas moins de 47 ans. Trois fois l'espace que Tacite appelle une longue partie de la vie humaine, quindecimanos, grande mortalis aevis patium. Je ne serai lu de personne, excepté peut-être de quelques arrière-petites nièces habituées aux contes de leur vieil oncle. Le temps s'est écoulé, j'ai vu mourir Louis XVI et Bonaparte. C'est une dérision que de vivre après cela. Que fais-je dans le monde ? Il n'est pas bon d'y demeurer lorsque les cheveux ne descendent plus assez bas pour essuyer les larmes qui tombent des yeux. Autrefois, je barbouillais du papier avec mes filles, Atala, Blanca, Simodossé, chimères qui ont été chercher ailleurs la jeunesse. On remarque des traits indécis dans le tableau du déluge, dernier travail du Poussin. Ces défauts du temps embellissent le chef-d'œuvre du grand peintre, mais on ne m'excusera pas. Je ne suis pas Poussin, je n'habite point au bord du Tibre et j'ai un mauvais soleil. Jadis, j'ai pu m'imaginer l'histoire d'Amélie. Maintenant, je suis réduit à tracer celle de Rancé. J'ai changé d'ange en changeant d'année. Fin de la section 0.